إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون لنتأمل اليوم في قصة حصلت مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة أو مسلمان méditons aujourd'hui sur une histoire qu'il y a eu avec les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم les meilleurs de cette communauté. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه وقال هذا باب قد فتح من السماء لم يفتح قبل لم يفتح قط إلا اليوم. Ibn Abbas radiallahu anhuma qui nous dit, alors que Jibril, il était assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu un son venant du ciel, un bruit qui venait du ciel, qui venait d'au-dessus de lui. Il a levé la tête et a dit, ceci est une porte qui s'est ouverte dans le ciel. Et elle n'a jamais été ouverte avant ce jour. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضُ وَلَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمُ. Et un ange est descendu de cette porte. Jibril a alors dit, voici un ange qui descend sur terre. Et il n'est jamais descendu avant ce jour. Fassallam. Alors cet ange a salué. Puis a dit, Abshir binureini utitahuma lam yu'tahuma ahadun minal anbiya'i qablak. Alors cet ange, il a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je t'annonce la bonne nouvelle de deux lumières qui t'ont été accordées. Et ces deux lumières n'ont été accordées à aucun prophète avant toi. Fatihat al-Kitab wa Khawatima Surat al-Baqara. Al-Fatiha, ainsi que les derniers versets de Surat Al-Baqarah. Lam takra bi harfin minhuma illa u'titahu. Tu ne liras pas, tu ne réciteras pas une partie de ces deux lumières sans que celle-ci ne te soit accordée. Ayyuhal muslimun, sabaqa an takallamna an fawaid al-Fatiha. Falnatakallam al-yawm عن خواتم سورة البقرة وهذه القصة العظيمة التي ينبغي على كل محب للحق أن يتأمل فيها. Certes, aux musulmans, nous avons précédemment parlé des leçons, des diverses leçons qu'il y a dans Sourate Al-Fatiha. Parlons donc aujourd'hui des derniers versets qu'il y a dans Sourate Al-Baqarah et de cette histoire grandiose qu'il y a eu avec les compagnons. Cette histoire dont il est convenable que toute personne qui aime la vérité médite sur celle-ci et médite sur ces versets. هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات تبكي المتأمل فيها بصدق وإخلاص. Ces versets, les derniers versets de Sourate Al-Baqarah, aux chers frères et sœurs, font pleurer celui qui y médite avec sincérité et véracité pour Allah tabaraka wa ta'ala. Akhraja ibn Abi Shayba fi Musannafi anna Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma tala qawla Allah ta'ala وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ. Certes, Ibn Abi Shayba a cité dans son Musannaf qu'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a récité ce verset وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ. Peu importe si vous montrez ce qu'il y a en vous-même ou que vous le cachiez, Allah vous jugera. Allah vous jugera quand même en fonction de cela. Alors là, Ibn Umar radiallahu anhuma a pleuré. Fadama'at aynah. Et donc, ses larmes ont coulé. Fabalagha sami'uhu Ibn Abbas radiallahu anhuma. Faqala yarhamullahu Aba Abdirrahman. لقد صنع مثل ما صنع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت هذه الآية فنسختها التي بعدها. Et donc il a été rapporté à Ibn Abbas radiallahu anhuma que Ibn Umar avait pleuré en récitant ces versets. Et il a dit qu'Allah fasse miséricorde à Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, c'est Ibn Umar. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Certes, il a fait comme les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont fait lorsque ce verset fut descendu. Puis le verset d'après l'a abrogé. Et donc le verset qui vient après ce verset-là a abrogé ce verset. Ayyuha al-muslimun. Adraka al-sahabatu. أن الأمر خطير. Oh musulmans, les compagnons ont compris que la situation est grave. المرء يحاسب على ما في نفسه. L'individu est jugé en fonction de ce qu'il a en lui. Il peut avoir une mauvaise pensée sur son frère ou sur sa sœur ou il va avoir une mauvaise pensée. Mais ensuite il va délaisser cela. Il ne va pas mettre cette mauvaise pensée en pratique. Il sera jugé en fonction de cela. Les compagnons ont donc compris que c'était difficile et que c'était dangereux. Akhraj al-Imam Muslim fi sahih. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala: Lamma nazala ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. L'imam musulman cité dans son sahih d'après Abu Hurairah radiallahu anhu qui dit: lorsque la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et si vous montrez ce qu'il y a en vous, ou alors vous le cachez, Allah Azza wa Jal vous jugera quand même par rapport à cela. Il pardonnera à qui il veut, et châtiera à qui il veut. Et certes, Allah est capable de tout. Ishtadda zalika ala sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ce verset fut descendu, cette situation fut difficile pour les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa'atawhu wa jassaw ala rukabi. Ils sont donc allés voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et se sont agenouillés devant lui. Faqalu ya rasulallah. Kullifna min al-a'mali ma nutiq. As-salat was-sadaqa was-siyam wa ghayra dhalik. فلما نزلت فلما أنزلت عليك هذه الآية لا نطيقها. Alors les compagnons se sont agenouillés devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit: au messager d'Allah, on nous a confié des tâches que nous avons la capacité d'accomplir. La prière, l'aumône, le jeûne et autres. Mais certes, depuis que ce verset fut descendu sur toi, nous n'avons pas la capacité de l'accomplir. Nous n'avons pas la capacité. C'est quoi le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et taquluna kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: allez-vous dire comme les gens des deux livres ont dit avant vous: nous avons entendu et nous avons désobéi? Allez-vous dire comme eux? Bel koulou, sami'na wa ata'na, ufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Mais dites plutôt: nous avons entendu, nous obéissons. Oh Seigneur, pardonne-nous, et c'est vers toi que nous retournerons tous. Faqalu sami'na wa ata'na. غفرانك ربنا وإليك المصير فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تبارك وتعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Et donc à ce moment-là, les compagnons, ils ont dit: certes, nous avons entendu et nous obéissons. Ô Seigneur, pardonne-nous, et c'est vers toi que nous retournerons. À ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque les compagnons ont accepté cela, et qu'il leur était plus facile de réciter ce verset, à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre sa parole: Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Certes, le messager a cru en ce qui était descendu sur lui, venant de son Seigneur, ainsi que les croyants, eux aussi, ils ont cru. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. La nufarriku bayna ahadim min rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et ils disent: nous ne faisons aucune distinction entre ceux-ci, entre les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit: nous avons entendu, nous avons obéi, pardonne-nous au Seigneur, et c'est vers toi que nous retournerons. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، هذه القصة عظيمة جدا، المتأمل فيها يجد الحل للمشاكل التي تصيب الأمة Ô musulmans, cette histoire est vraiment surprenante. Et celui qui médite sur cette histoire et sur ces versets trouvera la solution concernant les problèmes qui touchent la communauté musulmane aujourd'hui. فَمَا هُوَ الَّذِي حَصَلَ Que s'est-il passé? مَذَا حَصَلَ بَعْدَمَا قَالَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا Que s'est-il passé après que les compagnons رضي الله عنهم ils ont dit nous avons entendu et nous avons obéi. قال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث نفسه فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم أبو هريرة رضي الله عنه Il dit dans le même hadith, la continuité du même hadith dans Sahih Muslim. Lorsque les compagnons ont fait cela, lorsqu'ils ont dit « Sami'ana wa ata'ana, nous avons entendu, nous avons obéi. » Alors Allah tabaraka wa ta'ala a abrogé ce verset que les compagnons trouvaient difficile. Allah l'a abrogé, il a fait descendre sa parole. Certes, Allah ne confie à personne, à aucune âme, une charge qu'elle ne peut supporter. Certes, cette âme-là sera récompensée pour ses bonnes actions qu'elle a accomplies. Et elle sera rétribuée pour les mauvaises actions qu'elle a accomplies. Et donc ce verset a été abrogé, le premier verset a été abrogé. Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala a continué à révéler sa parole. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ô Seigneur, ne nous châtie pas, ne nous punis pas, si nous oublions ou si nous nous trompons. Qala na'am, il a dit oui. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala qui dit oui, j'accepte cela, j'exauce cette invocation, je ne vous châtie pas si vous oubliez ou si vous vous trompez. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ô Seigneur, ne nous châtie pas par un châtiment qui nous anéantit tous, comme tu l'as fait au peuple d'avant nous. Il a dit Na'am, oui. Il a exaucé leur demande, ce vœu. Tabaraka wa ta'ala. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ô Seigneur, ne nous charge pas une difficulté que nous ne pouvons supporter. Qala na'am, il a dit oui. Je ne vous chargerai pas d'une difficulté qui sera trop dure. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Qala na'am. Et sois clément envers nous. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre allié. Et secours-nous face aux peuples incroyants. Il a dit oui. Il a dit na'am. Ta'ammalu ya ibadallah. Hadhihi al-umur allati a'tahum Allah tabaraka wa ta'ala iyyaha. Wa minha an-nasr 'ala adh-dhalimin. Ma a'tahum Allah iyyaha illa ba'dama qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Méditez, ô mes frères et sœurs, toutes ces choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a données. Et parmi ces choses, il y a le fait de les secourir face aux injustes. Allah tabaraka wa ta'ala ne leur a pas donné ces choses avant qu'ils disent « Sami'na wa ata'na » Nous avons entendu, nous écoutons et nous obéissons. Ô Seigneur, pardonne-nous. Et c'est vers toi que nous retournerons. Et donc, le secours, la victoire, ô musulmans, n'arrive pas par les manifestations, ni par les actes terroristes. Wa innama an-nasru fi ar-ruju'i ila Allah tabaraka wa ta'ala bi fi'li al-wajibat wa tarki al-muharramat. Mais cependant le secours divin, le secours venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, il viendra par le fait de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala en accomplissant les obligations et en délaissant les interdits. El muslimoun el yaoum illa men rahimahullah yuriduna nasran min ghayri fi'li wajibin wa tarki muharramin wa ka'annahum yaqulun nuwasilu fi dhunub wallahu yansuruna bil mudaharat. Les musulmans aujourd'hui, sauf ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala fait miséricorde, ils disent, ils désirent le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala sans pour autant délaisser les péchés et sans pour autant accomplir les obligations. Et c'est comme s'ils disent, nous restons dans nos péchés et Allah va nous secourir par les manifestations. Quel est ? Non. Non ! Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, in tansurullaha yansurkum. Si vous secourez Allah, il vous secourra. Si vous secourez la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, en la mettant en pratique, Allah vous accordera le secours. Wa yufhamu min al-aya annana in lam nansurullah la yansuruna. Et nous comprenons de ce verset que si nous ne secourons pas Allah, si nous ne secourons pas la religion d'Allah, il ne nous accorde pas le secours. Il ne nous accorde pas le secours. Alayna ayyuhal ikhwa wal akhawat. Bissam'i wa ta'ati li rabbina. Et donc, oh chers frères et sœurs, nous devons écouter et obéir à notre Seigneur. Wal nusli aqa'idana. Wal natruk al aqa'id al munharifa. Anil kitabi wa sunna. Ka'aqidati al ikhwan al muslimin. Wal tablir. Wal soufiya. Wal asha'ira. Wa ghayriha min al aqa'id al fasida. Alors délaissons, ô chers frères, nous devons certes arranger nos croyances. Nous devons certes arranger nos croyances et délaisser les croyances qui ont dévié du livre et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Telle que la croyance des frères musulmans, des tablirs, des soufis, des asha'ira et des autres groupes qui ont dévié du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَالْنَتْرُكِ الْمَعَاسِيَ يَا عِبَادَ اللَّهِ. Et délaissons les péchés, ô serviteurs d'Allah. النَّظَرْ إِلَى الْمُحَرَّمَاتِ. Le fait de regarder des choses illicites. وَالْسَجَائِرِ وَالْرِبَى. Le fait de fumer des cigarettes. Le fait de bénéficier de l'usure. وَالْكَذِبْ. Le mensonge. وَالْقَوْلَ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمِ. Et le fait de parler d'Allah. تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Sans science. يَا إِخْوَى وَأَخَوَاتِ. Ô chers frères et sœurs. نختلف في طريقة العلاج من هذه المشاكل التي تصيبنا. Oh chers frères et sœurs, nous divergeons quant à la méthode que nous devons employer pour résoudre ce problème qui nous touche. فالعلاج يا عباد الله في السمع والطاعة. La solution, oh chers frères, elle est dans le fait d'obéir et d'écouter. Il nous dit تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. Certes, la parole des croyants, lorsqu'on les appelle à Allah et à son messager, afin qu'ils jugent d'entre eux, lorsqu'ils ont un conflit, lorsqu'ils divergent, afin qu'ils jugent d'entre eux. Leurs paroles ne sont que le fait de dire nous écoutons et nous obéissons. Nous écoutons et nous obéissons. Et certes, ceux-là, ce sont eux qui réussissent. Et celui qui obéit à Allah, ceux qui obéissent à Allah et à son messager, qui le craignent et qui font preuve de piété envers lui, alors ceux-là sont ceux qui gagneront. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون سمعنا وأطعنا حقا وأن يجعلنا من الذين يتبعون الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.